Les citations du parti de l'État sont décernées aux pâtisseurs, scientifiques, techniciens, fonctionnaires et volontaires qui ont accompli des hauts faits dans les travaux de construction de la centrale Kunming de Wonsan. Au rassemblement tenu le 11, ont pris part Yang Yong-sop, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les cadres responsables de la province du Gangwon, les pâtisseurs et les personnes intéressées. À la suite de la lecture du décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le titre de héros du travail de la République, la médaille d'or au marteau et faucille et l'ordre du drapeau national de première classe sont décernés à 8 personnes, y compris Lee Sang-chol et Han Sunam. La montre portant le nom du président Kim Il-sung est décernée à Lee Sung-jin et Chun Kyung-chul, alors que le diplôme d'honneur de Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, à Chung Ji-chul, Kim Byung-yul et à d'autres personnes, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse à Hong Gum-chul et Chung Chul-lim, et le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse à Son Myung-un et Han Kang-myung. 5 personnes ont reçu les titres de dessinateur émérite, de bâtisseur émérite et de conducteur émérite, tandis que nombre de personnes, les ordres et médailles, dont l'ordre du drapeau national de première classe.